Bonjour, ici Bernard Ouellette. Bonjour, ici Jean-François Roy. Bonjour, ici Alexis Cornelier. Bienvenue au podcast Mac Québec. Alors, bonjour messieurs, bienvenue à ce podcast. Alexis, Jean-François avec nous ce soir. Bienvenue à tous les auditeurs également. Merci beaucoup d'être là et nous allons débuter sans plus tarder cet autre podcast Mac Québec. On a un bon show ce soir à proposer aux gens. Mm-hmm. Donc, on va y aller. On débute d'abord avec... une application maison de Mac Québec Mobile, qui on a une nouvelle version qui s'en vient. Oui, Vincent a mis ça, a envoyé en fait la nouvelle version aujourd'hui. Et la mise à jour, en fait, c'est pour les écrans de 4 pouces pour le iPhone 5. Donc, on sait que ça va prendre quelques jours, là, de 7 à 10 jours avant d'être accepté pour d'être accepté par Apple pour la diffusion. Et d'ailleurs, en fait, Vincent a pris la soirée de vacances. On le salue, puis on lui souhaite un bon repos. Jean-François? Oui? On va faire un petit retour sur le sondage de la semaine sur Mac Québec. Oui. Et pour ou contre la disparition du SuperDrive? Pour. Pour. Je m'en sers pas. Le SuperDrive, le SuperDrive n'a plus rien. Ça fait 10 ans qu'il s'appelle le SuperDrive. Oui, c'est ça. Puis qui est encore resté à 8X d'écriture, alors que mon externe fait comme 32X de lecture, d'écriture, je veux dire. Alors, Apple sont un peu, sont un peu en arrière avec ça. Fait que je trouve ça... En fait, un graveur DVD est un peu en arrière, on aussi. Oui, on s'entend. Là, ouais. C'est quelque chose, là. Oui. Des jeux de PS3, non, pas de PS3, pas d'Xbox. Ça, oui. Ça sert à rien, en fait. Ça sert plus à rien, à grand-chose. De toute façon, avec le nombre de services de cloud qu'on a maintenant qui existent, on en a à peu près 22, tu sais. Fait que, c'est ça. Je vais vous montrer... De backup dans le cloud. Oui, exactement. Je vais vous montrer bien une raison pourquoi on a des petites clés USB comme ça. J'ai une pareille comme ça aujourd'hui. 16 gigs. C'est tout petit, là. C'est plus petit qu'une clé, là. Ça va dans un trousseau de clé, tout en métal. Ça, c'est une Kingston 16 gigs, 10$. J'en ai acheté une aujourd'hui, puis au comptoir en train de payer, la fille juste avant moi est venue avec la sienne et toute la composante USB avait comme rentré dans la clé. Parce qu'elle a fait, là, mais elle a dû la forcer de l'autre bord. Oui. Mais tout ça pour dire qu'avec ces clés USB-là qui sont vraiment très, très peu chères, puis la commodité des clés USB, je vois plus grand monde qui me grave un DVD là, pour des fichiers. Là. On s'en sert plus bien du graveur de DVD. On essayer d'en acheter une centaine, plugger ça sur des hubs USB, puis essayer de faire un raid avec 100 clés USB. Ça se fait-tu? Projet de fin de semaine. Peut-être. Bon, ben Alexis, on te met sur le projet. Tu fais-tu un Fusion USB Drive? Fusion Drive USB. Ouais, c'est ça. Bon. Donc, pour ou contre la disparition, comment que ça a été sur le sondage sur Mac Québec? Qu'est-ce que les gens... la tendance, c'était quoi? Contre... Le monde sont partagés, sont mitigés, excusez, je cherchais le mot. C'est 37% pour pas du tout, 27% pour un peu, 20% pour énormément et 16% pour beaucoup. Fait que... Tu parles d'une question tendancieuse, toi. Ouais. Avec un, tu sais, en fait, si tu additionnes le 27, le 20 puis le 16%, proche d'un 60% de personnes qui trouvent que c'est pas une bonne idée la perte d'un lecteur DVD, puis 40% du monde ou proche de 40% qui disent « Garde, on s'en fout ». Ça veut dire en fait que c'est en train de faire son chemin, mais d'ici un ou deux ans, un lecteur DVD, là, Ah, oh, ça n'existera plus. C'est ça, ça ne servira plus à personne. Puis Apple est reconnu pour faire ce genre de choses-là, c'est-à-dire de sacrer la masse dedans. En fait, le gain de facteur de rapetissement, je te dirais, là, d'un rétina, est plus intéressant tant qu'à moi que d'avoir ce cossin-là que tu peux de toute façon rajouter sur le côté avec un USB. Là, c'est plus, Mais regarde, c'est comme les nouveaux iMac qui vont sortir probablement en 2013. C'est ça qu'ils disent, mais souvent il y a des annonces comme ça. Apple n'a rien dit encore. Non, c'est ça. Tant qu'Apple n'a pas démenti, il n'y a rien de fait. Puis ils ont dit novembre. Le mois de novembre n'est pas terminé. D'après moi, les ordinateurs vont arriver en novembre encore, j'ai compris. Mais c'est ça que je dis. C'est qu'il n'y a pas de lecteur DVD dedans, il n'y a pas de lecteur CD à l'intérieur. Là. Fait qu'il faut acheter leur Super Drive à 80$ qui écrit A8X, alors que vous pouvez vous acheter un lecteur DVD externe à 80$ qui va écrire à 32X. Alors, choisissez. Là. Fait que... Il y a deux commentaires dans le chat. D'abord, Maxime Tremblay qui dit, comme avec le FireWire qui avait été abandonné, ramené et réabandonné. En fait, c'est pas tout à fait de la manière que ça s'est passé. Le FireWire a jamais été abandonné. C'est juste que Apple a sorti un exemplaire, et c'est une erreur, d'un MacBook aluminium, mais qui n'était pas pro. La génération d'après, ils ont rétabli l'erreur en ramenant cet ordinateur-là dans la gamme Pro. Et pour motiver le fait qu'il s'appelait Pro, ils ont remis le FireWire dessus. Mais ce qu'ils voulaient faire, c'est dire aux gens, ben regarde, si tu achètes un MacBook, c'est que tu n'as pas de besoin de la prise FireWire. Tandis que si tu es avec un MacBook Pro, tu en as de besoin. C'était vraiment une erreur de placement de produit. Et il n'a pas été réabandonné. C'est pour Apple un connecteur legacy, c'est-à-dire qu'il y a un adaptateur pour le Thunderbolt à FireWire qui existe et qui peut être acheté. Moi, je l'ai acheté puis je commence à l'utiliser sur des machines. Exact. Ben moi, mon disque dur externe, c'est un FireWire. Alors, oui. Mais on peut acheter le Super Drive, on peut s'en construire un aussi. On achète un boîtier externe, puis on peut mettre n'importe quel, drive à l'intérieur. Puis on peut créer notre propre Super Drive si on veut aussi, là, si tu veux en avoir un plus rapide. Donc, il n'y a rien qui empêche de le faire également. Oui. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. C'est chaque personne qui va décider si vous allez utiliser le CD. Mais Apple, mec, qui décide de mettre la hache dedans, là, ça ne sera pas trop long que les prochains modèles, Chobay n'aura plus. Là. Alors. Olil Blanc-Lucier nous dit: ouais, mais moi qui achète encore des CD physiques, je fais quoi pour les mettre dans iTunes? C'est pas la game de iTunes, de Apple, de te faciliter l'accès à un CD. Ils te vendent les disques de musique. Tu vas me dire qu'il y a un paquet de CD qui sont pas disponibles sur iTunes. Bien, c'est parfait, mais c'est une minorité. Comme je disais, le gain causé par la perte du lecteur CD est plus importante sur la machine et va attirer plus de gens que le fait qu'il y ait encore un lecteur CD. D'ailleurs, de toute façon, ces machines-là sont encore disponibles. Fait que tu fais le choix du poids versus le lecteur CD. Exactement. Tu peux les acheter, il n'y a pas de problème. Puis si tu as un compte iTunes Match, bien, aussitôt que tu les as rentrés une fois, puis tu fais ton match... Jamais tant que tu payes. C'est exactement. Donc, tu peux avoir la version d'Apple à jour. Donc, tu as une opération à faire une fois, mais un coup que c'est fait, bien là, tu peux les avoir tout le temps dans ton iTunes Match. Également, bien, parce que le nouveau modèle iMac est pour offrir de quoi de nouveau... La nouveauté du nouveau modèle, c'est beau, il y a le Fusion Drive et quelques innovations technologiques, mais ils ont misé beaucoup sur la minceur du iPad, donc du iMac. Pour pouvoir le faire, ben il a fallu qu'ils sacrifient la plus grosse pièce. La plus grosse pièce, ben, ça se trouvait être le Super Drive. Sinon, ils ne pouvaient pas faire de quoi de nouveau. Donc là, il y aurait eu... C'est un peu comme les MacBook Pro Retina. Tu ne peux pas la changer. Donc, c'est achat de la mémoire, puis tu restes avec. tu peux pas en ajouter dans l'ordinateur. Ouais, exact. On va passer maintenant aux nouvelles de la semaine, des deux dernières semaines, disons. On va parler du OS 10.9. Il y aurait des apparitions dans cette nouvelle version de OS. Oui, on a vu sur certains sites, pour ne pas le nommer, le 9to5Mac, qui ont vu dans leur log de serveur qu'il y avait des OS X 10.9 qui se promenaient. Ça promet que... Ben, Apple le sort une fois par année, hein, Alexis, la nouvelle version du OS? Ils sont rendus à une fois par année. Est-ce que ça va changer avec les changements de... On le sait, là, Scott Forstall est parti. Il était en grande partie, travaillait beaucoup sur OS X, si je ne me trompe pas, ou en tout cas le gars qui s'occupait d'OS X a peut-être changé de département aussi. Et il va peut-être avoir des petits changements. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps avant que la nouvelle version sorte. On ne s'attend pas non plus à ce que les idées de Jonathan Ive se retrouvent directement dans cette version-là. Mais probablement que cet été, on va en savoir un peu plus là-dessus. Oui. Autre nouvelle, il y a la création d'un Fusion Drive qui est possible avec des anciens Mac. Oui, puis ça, j'ai hâte. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh, que oui! » J'ai dit, je me suis acheté un Data Doubler pour enlever mon Super Drive dans mon MacBook Pro et je vais me créer un Fusion Drive la semaine prochaine. Alors, Patrick aussi, M. Duchamp aussi, va le faire, mais qui a son iMac réparé. J'ai vu une recette comment justement installer un Fusion Drive à l'intérieur d'un iMac. Moi, c'est un iMac, quelle année, non? Je pense 2010. Mm-hmm. Bon, il y avait la recette, puis oui, on peut le rajouter sans rien enlever. Mais pas évident. Il y a un autre vis enlevé, puis bien des choses à déconnecter pour pouvoir se rendre là. Ouais. Moi, pas sûr que je le ferais. Bien, c'est ça. T'sais, un iMac et un MacBook Pro, c'est pas pareil. Hein. C'est un petit peu plus compliqué, on s'entend. Là. Alors, moi, j'ai très hâte de l'essayer parce que la manière qu'Apple le vende, ils ne vendent pas vraiment parce qu'ils ne donnent pas beaucoup d'explications sur le comment qui fonctionne. C'est plus les autres sites qui ont trouvé la manière du fonctionnement du Fusion Drive. C'est juste logiciel, c'est pas moteur, là. C'est le disque utilitaire qui crée le Fusion Drive en tant que tel. Alors, il y a une petite ligne de commande à faire et tout se fait... tout se fait comme par magie. Là. C'est comme moi, j'ai mon disque SSD qui est de 180 gigs et je vais rajouter mon disque dur de 500 gigs qui venait avec mon MacBook Pro qui fait 500 gigs. Alors, je vais me retrouver avec un disque dur fusionné en deux qui va faire 678 gigs. Alors, le système va gérer par lui-même qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il va envoyer, qu'est-ce que j'utilise le plus. Ils vont l'envoyer sur le SSD pour qu'il roule plus vite ou ils vont l'envoyer automatiquement sur le disque dur physique. Là. Alors, ça va être... l'utilisateur ne verra rien de ça. J'ai vérifié beaucoup de vidéos sur YouTube et ça a l'air, ma foi, à fonctionner. Et à fonctionner très bien même. Alors, n'importe qui a un SSD et un disque dur physique peut se créer un Fusion Drive. Vous avez juste à faire vos recherches. De toute façon, mec, j'aille mon Data Doubler, je vais faire une vidéo du comment créer un Fusion Drive à partir de l'utilitaire disque. La seule chose qu'il faut dire au monde, c'est qu'il faut réinstaller la machine au complet pour faire ça. C'est ouais. Vous ne pouvez pas faire ça. Faire un backup. Moi, j'étais rendu à cette étape-là, en fait. J'ai fait un backup de ma machine. Puis ouais. Pour une raison que j'ignore encore, la somme de mes deux drives, parce que j'ai déjà les deux disques à l'intérieur, mm-hmm. Drive, en termes de data, donne et pas tout à fait la même que le Time Machine que j'ai fait, qui est 60 gigs en dessous de ça. Fait que j'hésite encore avant de sacrer le format, format Macintosh HD là-dedans. Je vais probablement me faire un autre backup un petit peu plus standard, puis pouvoir à partir de ce moment-là. Oui, fait que j'ai bien hâte. Fait que vous regarderez la vidéo quand je vais la faire. Là. Ça va me prendre une bonne journée de faire cette vidéo-là. Alors, j'ai très hâte. Donc, tu vas te faire un petit tutoriel pour faire profiter les gens sur MacQuébec. Oui, exactement. Autre nouvelle, il y a Rogers qui fait des mises à jour pour corriger des problèmes avec le LTE. Oui, parce que moi et Alexis, on habite Alexis. Ben moi, Alexis habite pas à Montréal. Moi, j'habite à Montréal. Alexis est souvent à Montréal. Alors, Rogers ont sorti une mise à jour du carrier pour corriger certains problèmes avec le LTE. La vitesse surtout, parce que moi et Alexis, on se plaignait beaucoup que ça allait pas vite, le LTE ici à Montréal. Alors, de cette technologie-là, effectivement, c'était pas très rapide. Mm-hmm. Mais avec la petite mise à jour du patch 13.1 que Rogers a fait la semaine passée, j'ai vu une performance un peu plus soutenue du LTE à Montréal. Mais dans les deux premières journées. Oui, après, ça a redescendu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Là. On dirait qu'ils baissent leur signal d'antenne. Là. Je sais pas. C'est comme l'enfer. Là. C'est comme tu regardes les screenshots du monde qui sont aux États-Unis avec AT&T qui te font des 65 puis, en download puis genre 43 en upload. Là. J'ai du hâte de voir ça ici, moi. C'est comme... mais je pense pas que je vais voir ça de mon vivant. Là. Ce que je pense, par exemple, c'est que le réseau LTE est encore en train d'être développé. On en entend partout. Chez Vincent il y a quelque temps. Sherbrooke l'a eu chez notre ami Patrick Ducharme il n'y a pas grand temps. Donc, ça se déploie et ils sont obligés, en fait, d'adapter. Là, ils viennent de faire une mise à jour qui fait que tout le monde va sucer plus de ressources au réseau. Donc, c'est peut-être ça. Là. Tu sais, quand tout le monde, deux jours après, quand tout le monde a fait sa mise à jour, le fait qu'ils sont tous capables de se connecter à un plus grand échantillonnage de canal, et donc de consommer beaucoup plus de bandes passantes, c'est probablement le fait qu'il y a eu une contrition. Là. Il y a eu du trafic, en fait, là, supplémentaire sur le réseau. Puis là, ben, il faut qu'ils se rendent compte qu'il faut une antenne, c'est plus assez, il faut qu'ils en mettent deux. Mais on sait aussi qu'il y a des endroits où est-ce qu'ils sont simplement plus capables d'en mettre des antennes. Ils n'ont plus des droits. Là. Les immeubles vont s'écrouler sous les antennes. Comme à côté de chez nous. Exactement. Le LTE est présentement, c'est à Montréal, Québec, Sherbrooke. Y a-t-il d'autres endroits? Il y a Toronto. Toronto, oui, mais au Québec. Oh, au Québec? Rivière? Trois-Rivières? Je pense que ça doit commencer à être déployé au Saguenay, là, probablement à Chicoutimi, quelque chose. J'imagine que Port-Tellus, Rimouski, doit être déjà dans les plans si ce n'est pas déjà fait. Parce que c'est là leur siège social, TELUS Québec. C'est à Rimouski. Ah ouais. J'imagine, oui. OK. TELUS Québec, c'était Québec Téléphone avant. Donc, TELUS, okay. Une compagnie de l'Ouest canadien, ont acheté Québec Téléphone, mais ils ont gardé le siège social qui était avant de Québec Téléphone. Ils ont gardé pour TELUS Québec, ils ont gardé ça à Rimouski. Autre nouvelle, il y a Apple. Ça, si on était à l'analyse des geeks, là, ça, là, ce serait un epic fail de la part de Apple, là. On dit souvent qu'on est trop gentil avec Apple, mais ça, cette nouvelle-là, là, c'est sûr que toutes les compagnies sont là pour faire de l'argent, pour essayer d'en économiser par n'importe quel stratagème de paradis fiscaux, cross-comptables, de tout ce que tu veux. Mais ça, là, c'est assez pourri, merci. Okay. C'est comme le prof Caron, la semaine passée, tout le monde en parle, quand il parlait des, des compagnies pharmaceutiques. Là, tu sais. Oui. Le prof Caron. T'es-tu sûr? Ben, c'est comment il s'appelle, le fiscaliste, là? C'est pas Caron, c'est Lauzon. Il fait de l'humour, là. Léopold Lauzon. Léopold Lauzon, oui, le prof Lauzon, excusez. Prof Lauzon. En fait, la nouvelle, là, je ne vais pas donner le titre, oui. Parce que ce qu'on parle, c'est qu'Apple n'a pas payé, n'a payé que 1,9% de taxes. Donc, ils ont un méga pactole de milliards et de milliards, mais en réalité, ils n'ont pas vraiment payé beaucoup de taxes sur l'ensemble de ces revenus-là. Ils sont pas les seuls. Hein. On sait que Facebook, Google utilisent à peu près les mêmes stratagèmes. On dirait que les comptables d'Apple sont comme encore plus sournois ou crotté que les autres, c'est que ils ont des compagnies ailleurs qu'aux États-Unis. Apple est situé à Cupertino, mais ils ont le droit d'avoir comme leur siège social officiel ailleurs. Et ils sont en Irlande. Et en Irlande, les taxes commerciales sont beaucoup plus basses qu'à peu près n'importe où ailleurs. Pour donner une ordre de grandeur, les taxes commerciales en Angleterre sont de 24 %. Mais même en Irlande, c'est de 12 %. Donc, ils sont obligés d'utiliser comme d'autres stratagèmes comptables pour descendre ça. Et ils sont descendus à 1,9 %. C'est sûr que le montant qu'ils ont payé sur, tu sais, je veux dire, c'est 700 quelques millions de dollars de taxes qu'ils ont payés. Mais ça ne correspond qu'à 1,9 % de ce qu'ils ont fait. Donc, je veux dire, quand des grosses compagnies comme ça ont des milliards de dollars comme Apple en a, à l'analyse, là, cette semaine, il parlait qu'Apple, théoriquement, avec le cash qu'ils ont, ils pourraient s'acheter Intel actuellement. La capitalisation boursière de Intel est à peu près de 112 milliards de dollars. Apple les a en banque, ils pourraient demain matin faire un OPA ou quelque chose, puis aller acheter Intel. Ils pourraient facilement acheter AMD avec... En vente, ça a l'air. Ben, ils sont en train de regarder pour être vendus. Fait que peut-être qu'Apple, question de brevet ou quoi que ce soit, on sait qu'ils ont acheté quelques compagnies au niveau des processeurs. Il y a des rumeurs qui sont sorties aussi comme quoi ils voulaient peut-être laisser tomber Intel, ce qui, à mon sens, en ce moment, là, leur ferait pas nécessairement de bien, à moins qu'ils nous sortent là, une espèce de machine Mac Pro qui va tout arracher là, de je sais pas combien de pétaflops. Puis tout le kit. S'ils sont capables de faire ça, d'arriver puis de nous prouver que le move est bon, peut-être. Mm-hmm. Sinon, en attendant, je pense qu'ils sont pognés pour encore un certain temps avec les processeurs Intel. Exact. Mais, ça serait drôle quand même qu'ils achètent Intel. Puis, bon, mais il y a juste maintenant le OS X qui roule là-dessus. Le reste, ça ne peut pas fonctionner. Ben, écoute, je pense que ce serait une très mauvaise idée. Apple se retrouverait en espèce de méga position là, de dominante, de monopole. Et je pense qu'il y a quand même, tu sais, à une époque, Steve Jobs et Bill Gates se sont parlé. Et Steve Jobs était en tabarnak après Bill Gates parce que le Windows qu'il était en train de développer, il disait que c'était une copie, c'était du vol de son truc à lui. Et Bill Gates a passé une nuit, ou en tout cas, c'est peut-être un peu romancé, là, mais vous pouvez le voir dans Pirates of Silicon Valley. Très bon film. Excellent, oui. Autre nouvelle, il y a le CRTC qui va créer une liste noire pour... En fait, ce n'est pas le CRTC. Je vais vous dire, je vais corriger la nouvelle. Les fournisseurs de télécommunications canadiens, l'Association des télécommunications... des fournisseurs en télécommunications canadiens, voilà, vont créer une liste noire au niveau des cellulaires disponible au maximum en septembre 2013. Ça va enfin. 4 millions de dollars ou quelque chose comme ça? Je m'en fous. On disait que ça allait leur coûter une trentaine de millions, mais écoute, ils le font partout. Là. En France, ça existe. Ça existe partout. Il y a juste au Canada, je pense que c'est, oui. Ça n'existe pas dans les pays les plus développés. La nouvelle de avant du stock volé, d'ici 2013, ces numéros de série-là vont être entrés dans une liste. Puis quand vous allez essayer de faire quelque chose avec ces produits-là, ça va faire, ça va être un no-no, là. Vous n'aurez pas de service. Exact. Non, mais ça, ils vont toujours trouver un moyen pareil. Moi, je pense qu'ils vont toujours avoir du vol. Il n'y a rien qui empêche que ces iPhones-là ne vont pas se retrouver au Canada, ils vont se retrouver ailleurs, en Russie, comme les voitures volées de luxe. Ils se retrouvent, par cargo, puis ils se retrouvent en Russie, puis un peu partout en Chine. Donc, Attends un peu. Avec le dernier iPhone qui ont sorti, puis le dernier iPad mini, les antennes ne sont pas les mêmes qu'au Canada, qu'en Europe. Fait que je pense pas que ton iPhone que tu vas venir chercher ici au Canada, que tu vas l'envoyer en Russie, fonctionnera pas là-bas. Il n'y a pas la même antenne. Fait que le système de leur cellulaire là-bas. Fait que ça change absolument rien que tu l'envoies l'autre bord. Là. En France, il ne fonctionnera pas. Là. Non, mais est-ce que... Oui. Quelqu'un qui veut l'utiliser directement là-bas, mais rien qui te dit qu'ils ne vont pas se retrouver là-bas, puis ils vont retourner dans d'autres pays où est-ce que ça va être compatible. La seule affaire, puis ça, Patrick Duchamp dans le chat actuel en parle, il faudrait qu'il y ait une liste internationale. Mais ce qu'on parle présentement, c'est une liste au niveau canadien. Canadienne. Fournisseur canadien. Il faudrait, dans le fond, que, je sais pas, Apple embarque là-dedans, puis dès que quelqu'un, dès qu'un iPhone est volé, qu'on ne pourrait pas activer un Apple ID sur cet appareil-là. Donc, il n'y aurait pas grand avantage d'utiliser un iPhone ou un iPad si tu ne peux pas activer un Apple ID. Quelque chose du genre. Mais, tu sais, moi, je veux dire, je sais que ça va coûter des millions faire ça, là. Mais moi, je m'en fous, là. Je trouve ça super, là, parce que c'est l'enfer, comment il y a de la fraude là-dedans, là. Tu sais, que tu t'appelles chez ton fournisseur. Qu'est-ce que ça te donne d'appeler chez ton fournisseur pour dire que ton téléphone a été volé, OK? Puis que 3 secondes plus tard, il y a le crotté qui te l'a volé, qui va appeler chez Rogers, puis il va dire ça serait pour faire activer un cellulaire. Puis là, il donne ton numéro de EMI, puis mon cellulaire à moi est activé chez le crosseur qui te l'a volé. T'sais. Fait que, je veux dire, il est à temps, là, je m'excuse, là, mais moi, ça me dérange pas de le payer, le 30 millions, si ça coûte 30 millions. Là. Mais ça va faire, là, se faire fourrer de même. En fait ça va être absorbé par les fournisseurs. Ouais, bien sûr, ils vont nous chipper la facture, comme d'habitude, là. Mais c'est chaud. Exact. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que... Ça fait dire que CRIF, t'as de l'argent, JF. Tu peux pas payer les études des étudiants. Mets une liste pour pas se faire fourrer avec ses téléphones cellulaires. Pas de trouble. You bring that upon you. Ouais, c'est ça. Autre nouvelle. Apple s'organise pour avoir plus d'innovation de ses employés, plus contents avec un système qui donne 2 semaines à leurs employés pour travailler sur un projet qu'ils ont à cœur. Ça, j'ai vu... J'ai vu le même phénomène, il me semble que c'est chez Google qui font ça aussi. Oui, effectivement, Google, c'est un truc qu'ils ont. Tu peux avoir chez Google jusqu'à 20 % de ta semaine pour travailler sur un projet personnel, mais qui va appartenir à Google. Donc, c'est, tu sais, tu as travaillé 4 jours sur le département où est-ce que tu es supposé travailler. Et la 5e journée, tu dis, bon, ben moi, j'aimerais ça développer telle affaire. Ça va appartenir à Google, mais ça va me changer le mal de place. Et effectivement, comme M. Ducharme l'a dit, ben Gmail est apparu de ce système-là. On taxe un peu. Là. Il y a des gens qui disent qu'il y a moins d'innovation. Il y a de moins en moins d'innovation. Moi, j'aurais comme réponse que s'il y a moins d'innovation chez Apple, il y en a encore moins chez les autres. Mm-hmm. Tout le monde a descendu au niveau de l'innovation. D'ailleurs, c'est con qu'on dise que chez Apple, il y a moins d'innovation. Ils ont gagné un prix cette semaine comme compagnie la plus innovatrice. Là. Fait que, tu sais, c'est juste encore l'espèce de spéculation de boîte, d'analyse de n'importe quoi. Là. Mm-hmm. Qui regardent la scène, puis là, qui disent « Tiens, je vais faire descendre les actions d'Apple, je dois avoir un client là, qui veut en acheter. » Fait qu'on va faire descendre ça, on va les remonter après. En tout cas, c'est un peu du n'importe quoi rendu de Apple, mais c'était inévitable. L'action, tout le monde a descendu. Là, ah ouais. Personne qui en fait. Bref, c'est ça, Apple, en fait, qui lance le projet Blue Sky, qui est de donner, là, si vous voulez, là, à un moment donné, vous dites, bon, ben moi, je passe sur le projet Blue Sky, je fais 2 semaines où je travaille sur un projet personnel, puis là, ben ça va devenir un projet à Apple. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui va sortir de là? Est-ce que quelqu'un va pouvoir arriver avec un projet qui est complètement en dehors de ce que Apple fait habituellement? Puis Apple va dire, tiens, c'est une bonne idée, puis on va l'intégrer. Où les gens vont être obligés de rester quand même dans la mentalité à Apple. Ça reste à voir, mais quand même, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui dit qu'il est écœuré de sa job et qui fait je vais faire quelque chose d'autre. T'sais. Exact. Autre nouvelle, iOS 6.1 bêta 2 pour iPhone, iPod Touch, iPad, Apple TV de 2e et de 3e génération. Donc, on va couvrir assez large. Toute la gang. Ouais, toute la ça. Gang. Toute la gang sont sortis cette semaine. Apple ont l'habitude, quand ils sortent une première bêta de leur système iOS, ils sortent à tous les lundis d'une semaine plus tard. Alors, cette semaine, lundi, on a eu le... Comme tu dis, 6.1 bêta 2 corrige quelques problèmes qu'on avait dans la bêta 1, comme je ne pouvais plus utiliser la fonction panorama sur mon iPhone 5. Ah, OK. L'application plantait. Sinon, en général, qu'est-ce que Apple essaie d'intégrer dans 6.1? Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Parce que le point 1, comparativement à point 0.1 mm-hmm. qu'on a eu il y a quelques semaines, c'est supposé comme, tu sais, apporter peut-être des petites fonctionnalités de plus, des ajustements, des trucs. Dans Qu'est-ce... Maps. OK. Dans Maps, il y a une différence. J'ai utilisé le iPhone 5 de mon beau-frère en fin de semaine parce qu'on niaisait, on s'en allait à Laval. Puis là, je disais, hey, on va mettre les deux Siri, un à côté de l'autre. Moi, j'ai iOS 6.1 bêta, puis toi, tu as iOS 6.0.1. Et j'ai vu, quand je l'ai parti, genre, hey, il y a une différence. Il y a une différence dans la version 6.1 de iOS qu'il va avoir dans la version Maps. Il y a des choses qui sont apparues, là, comme je ne sais plus trop quoi. Là. Mais la version n'est pas pareille. Ils ont amélioré, Apple améliore de plus en plus la version Maps de leur carte. Alors, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Il n'y aura pas grand-chose de nouveau dans la version 6.1. Là. C'est comme... Mais si on inclut Apple TV dedans, j'imagine qu'il y a d'autres... Il y a d'autres aspects autres que Maps qui vont être à l'intérieur. Sinon, ouais, je vois pas pourquoi. Le Apple TV, je l'ai mis aussi à jour. Ce que ça rapporte au Apple TV, c'est plus le AirPlay en l'utilisant avec vos iPads et vos iPhones et vos iPod Touch. C'est pour le mirroring d'utilisation. Je ne l'ai pas essayé, je n'ai pas eu le temps, mais je sais que j'ai vu ça dans les. Dans le README, là, dans les logs de la version. Mm-hmm. À part ça, il n'y a rien. Est-ce que généralement, quand ils sont dans une phase bêta, ils gardent des fonctionnalités un peu secrètes puis qu'ils les sortent à la dernière minute? Oui, c'est ça. Ben, pour des gros changements de la version iOS 5 à 6, des trucs comme ça, oui. Mais. Des points 1, des points 2, là, ça va être plus des corrections de bugs et quelques petites améliorations, là, mais pas. Des trucs qui se sont dit, ah, tiens, je peux le faire comme d'une autre manière qui va être bien mieux ou quoi que ce soit. C'est ça, exactement. C'est comme on attend toujours 10.8.3 qui n'est pas sorti en version bêta. Et on attend toujours. Les rumeurs disent que iTunes 10 était supposé de sortir aujourd'hui ou demain. iTunes. Alors, iTunes 11, excusez. Ouais. Oh mon Dieu, excusez. Un lapsus. Il était supposé de sortir aujourd'hui ou demain. Alors, il reste demain. Alors, j'ai bien hâte de voir s'il va vraiment sortir demain, ce que les rumeurs disent. Pour la seconde bêta, en fait, une des améliorations qui a été apportée, c'est au framework de MapKit qui permet aux développeurs d'utiliser le service de recherche de plans pour trouver une adresse ou un POI. Donc, ça, c'est une des grosses lacunes de Maps actuellement. C'est que si tu as quelque chose qui n'est pas nécessairement mainstream, là, c'est sûr qu'il va te trouver l'ABI Future Shop Apple Store. Mais si tu essaies de trouver une station de métro, si tu essaies de trouver des IGA locales, des trucs comme ça, c'est pas connecté. Donc ça va être amélioré aussi. Ouais. Des améliorations au niveau de Passbook aussi. Ah oui, c'est vrai, il y a une nouvelle page, je vais vous la montrer, il y a une nouvelle page d'ouverture à Passbook maintenant. OK. Je vais vous la montrer live, vous allez voir. Je vais aller la chercher. C'est assez... Ah, je ne sais pas si on va la voir. Là. Non, on ne voit pas. On la voit un peu. Ça vous dit à quoi sert Passbook? Alors, avant, on n'avait pas une page d'explication. Ça rouvrait puis ça disait « Veuillez vous connecter à iTunes pour aller chercher vos applications. » Alors, c'est ça. C'est juste ça qu'ils ont rajouté dans Passbook. Là. C'est un peu... D'accord. Il y a une petite question en rapport à Map dans le truc. On va faire un bref aparté parce qu'habituellement, mm-hmm. les questions sont posées dans les amateurs de Mac Bonsoir. Le show est fait pour ça. Mais c'est une bonne question, en fait. Est-ce qu'on nous demande si le GPS Maps du iPhone bouffe beaucoup de megs? Ce n'est pas le GPS, ce n'est pas l'appareil qui va bouffer des megs, c'est les maps qui vont apparaître en dessous. Et elles vont, du côté de Apple, c'est une des fonctionnalités qui n'est pas mentionnée, mais ces maps-là sont vectorielles comparativement aux maps de Google qui, elles, sont bitmap. Mm-hmm. Et des maps vectorielles vont donc manger beaucoup moins de données, de meg, en fait, à faire apparaître. Et d'ailleurs, Maps de Apple est capable de buffer ou de se souvenir de beaucoup plus grand de maps. Donc, quand on n'est plus connecté, il est possible là, d'avoir la map beaucoup plus détaillée en buffer, si on veut, dans l'appareil. Exactement. Puis il y a Nokia qui rentre dans la course, là. On a vu ça. Oui, je l'ai vu. Tu l'as-tu essayé? Ear.net. Je sais pas. Parce que là... This Ear.net de Nokia. Je pense que c'est à partir de Safari qu'il faut y aller. Ah, OK, je ne l'ai pas essayé. J'ai vu ça passer. Ear Maps app. Mais bref, il paraît que Nokia va embarquer dans le jeu pour améliorer... Maps pour iOS. Là. Mais est-ce que vous pensez que Apple va laisser passer l'application Maps de Google dans leur App Store? Parce que ça fait longtemps, là. Oui. Moi, je. Ben, est-ce que Google a officialisé qu'il l'avait soumise à Apple? Je ne suis pas certain, moi. Je pense que la question n'est pas encore terminée. OK. Puis je pense que Google essaie de... C'est ça, Google ne l'a pas encore soumise encore, donc c'est normal qu'elle ne soit pas encore disponible. Je pense que, bon, rapidement, ils ont fait quelque chose avec la version mobile de l'application pour que ce soit disponible, mais évidemment, tu n'as pas de voix qui te dirige. C'est pas fluide, ça n'utilise pas tous les trucs pratiques que l'OS peut te fournir. C'est vraiment un truc, web-based, là. Donc, ce que je lis sur Nokia, c'est l'application s'appelle Ear Maps. Mm-hmm. C'est rebrandée, donc elle est refaite, améliorée, une version améliorée, basée sur du HTML5. Oh boy! Un mode offline qui est possible. C'est pas garant de... C'est pas... En tout cas... T'sais, Facebook a les moyens, puis ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi, c'est ça, je m'en allais dire. Donc, on va voir. Ça va être une application qui va être gratuite. Donc, on va vérifier ça. On va passer à une autre nouvelle, messieurs. On va parler de Skype. Ouais. Des petits problèmes de sécurité, Skype, cette semaine. Bien, c'est apparu aujourd'hui. C'est pas un problème de sécurité, c'est un features. On est chez Microsoft ici. tu vois, j'ai parlé contre Microsoft. Là. C'est tout fucké, va falloir arrêter le show drette là. Oui, il y a une faille de sécurité chez Skype aujourd'hui. La faille, c'est que vous pouviez accéder à un compte de n'importe qui en utilisant l'adresse personnelle de cette personne si vous la connaissez. Mettons comme Alexis, c'est alexis.cornelier@... Denis Talbot qui s'en vient dans deux semaines, c'est... Oui, c'est ça, tiens, on va toutes les nommer. Là. Et alors, c'était dans la page où que vous réinitialisez vos mots de passe et ça réinitialise le mot de passe et ça vous rentrait dans la page de la personne à qui vous vouliez aller. Il y avait une petite procédure quand même pour contourner ça, puis il fallait faire quand même un petit chemin particulier pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité-là, mais finalement, tu n'avais pas besoin d'accéder au courriel pour pouvoir avoir à changer de mot de passe. Ça le changeait automatique. Mm-hmm. Fait que Microsoft ont bloqué cette page-là, cette page web-là, et ont corrigé en fin de journée le bug dans Skype. Mais les pirates qui ont trouvé ça, ils avaient déjà prévenu Skype auparavant. Alors, je comprends pas pourquoi que s'ils les avaient déjà prévenus que Microsoft n'a rien fait. Là. Fait que... Mais bon. C'est Microsoft, hein? Fait que, hey, ça a l'air en passant qu'Internet Explorer 10 est plus sécuritaire que Chrome et Firefox. J'ai vu ça passer cette semaine. Moi, je trouve que Microsoft est une compagnie qui commence beaucoup trop à calquer Apple là, dans à peu près les moindres détails. Leurs boutiques sont calquées sur celles d'Apple. Les téléphones, en fait, tout le... le fait de sortir un téléphone où est-ce qu'il n'y a pas de copier-coller, ils vont te le donner un petit peu plus tard, tout ça. Même le fait de sacrer dehors leur chef qui vient de développer leur nouvelle OS. Sortent le nouvel OS, sacrent le chef dehors. Et... des espèces de raisons bidons comme quoi il n'est pas... Il n'est pas chumé avec le reste de l'équipe et tout ça. C'est un peu ce qu'on disait aussi de Scott Forstall. Qu'est-ce que ça fait 20 ans que tu travailles là? Je ne sais pas, à un moment donné... Ça fait juste 2 ans, OK? Mais ça rendre fait... compte que tu n'étais pas un team player. Là, ça a l'air un petit peu du n'importe quoi. On dirait... quelque part, on pourrait même dire, coudonc, c'est-tu parce que Windows 8, ça ne marche pas aussi bien qu'il y avait pensé, puis c'est pour ça qu'il... Moi, je me suis dit, il n'a peut-être pas installé Windows 8. Il est encore peut-être resté sur Windows 7. Puis c'est là qu'ils s'en ont rendu compte. Puis ils l'ont sacré dehors juste pour ça. Là. Fait que je sais pas. Là. Mais... peut-être coucher avec la femme de Ballmer aussi. T'sais. Ah, peut-être. On sait pas. C'est... il ne l'a pas fait. Sait-on jamais. Bon. Mais même les pubs, les nouvelles pubs de Windows 8, je trouve que ça fait un petit pas à Apple. Mais la toune, Bernard, tu l'as-tu la toune de Windows? Non, je ne l'ai pas. Je l'ai pas. La pub, en fait, elle a été. J'ai eu une discussion d'ailleurs là-dessus. La pub, le problème, c'est qu'elle est bien belle, elle a coûté plein d'argent. Ce que tu sais, c'est qu'il y a un. Tu sais, en fait, tu t'approches assez proche du clavier, fait que tu es capable de voir que c'est un clavier, mais tout ce que tu vois, c'est qu'il y a un clavier qui se colle dessus. Tu sais même pas si c'est de 130$ de plus. Oui, c'est ça. Ils ont eu des problèmes avec. Oui, mais ça, c'est la pub de Surface. Moi, je parle de la pub Windows 8. Ah, je ne l'ai pas vu. Bon, avec la toune, attends, je vais juste donner un extrait de la toune. Ça va te remémorer. Attends, je vais le faire jouer. Ça, ce genre de petite toune-là, hop, la vie joyeuse, blabla. On a vu ça chez Apple avant. Je sais pas, mais il semble qu'on essaie de jouer un peu pour mêler les gens. Je sais pas trop. Ou tout simplement pour copier, je sais pas. Trouvez-vous? Faut voir, là. C'est pas la première fois, en fait, que les publicités ressemblent. Il y avait même eu des affaires qu'il y avait utilisé les mêmes acteurs, puis des trucs comme ça. C'était quoi? Tu sais, Apple, quand tu rentres, quand il y a un nouveau Apple Store ou quoi que ce soit, ou quand tu rentres acheter un nouveau produit, il y a comme une aide d'honneur. Mm-hmm. On t'applaudit, tout le kit. Ouais. On avait vu, en fait, quelque chose, une vidéo assez space des magasins Microsoft, où est-ce que il avait commencé à faire, je sais pas si c'était pas une danse avec les bottes ou quoi que ce soit, mais tu sais, comme... tout d'un coup, dans le magasin, il colle la shot. Il y a des clients, il n'y a pas de clients. Tu es en train de répondre à quelqu'un. Tu te mets à danser. Tu sais, t'es le commis. Ouais, ton nouveau ordinateur. Puis le gars, il commence à danser devant toi. Puis tout le monde dans le magasin, il fait ça comme si c'était un meme ou un... Je me souviens plus le nom, là, mais un... en tout cas, c'est un peu weird. C'est comme si ils voulaient être les cool guys, mais c'était un peu freak. En tout cas, je sais pas. Puis les ventes de Surface, d'ailleurs, sont mitigées. Là. C'est pas le iPad killer qu'on promettait. Puis d'ailleurs, arrêtez là, d'utiliser le terme iPad killer. Il n'y a rien qui va tuer le iPad. Il y a des tablettes qui vont finir par prendre le marché un petit peu. Puis chacun va se partager un 10, un 15%. Puis Apple va avoir ses trucs. Puis LG va avoir ses trucs. Puis, tu sais, sauf que si on regarde, ben en ce moment, là, des tablettes, il y a Apple qui fait de l'argent avec les tablettes, qui génère de l'argent, qui fait que des développeurs font de l'argent. Puis ça, c'est le nerf de la guerre. Il n'y a personne qui va rester sur une tablette qui ne fait pas de cash. Non, c'est ça. Exact. Google, il prend combien sur le Android Market, le savez-vous? Je pense qu'il donne tout. Ah, il donne tout? Il redonne tout? Ah, ouais? OK. C'est pas tout, c'est comme 90% aux développeurs ou quelque chose comme ça. Là, mais c'est pas leur game à Google d'aller chercher du cash là-dedans. Ah, ben coudonc. Exact. Samsung veut augmenter ses pièces, là, ses composantes. Pour Apple. Oui, juste pour Apple. C'est pour aller chercher en fait le milliard de, une partie du milliard de dollars qu'ils vont être obligés de donner à Apple. C'est pas encore fait, ça non plus. En fait, tu sais, l'histoire est jamais brodée au complet. Apple a une dent contre Samsung. Ils viennent de gagner un procès. Ils vont se faire payer un milliard de dollars. Apple est en train de regarder pour d'autres canaux de distribution au niveau des pièces. Ben, si tu achètes moins de pièces que tu en achetais à Samsung, tu as un moins bon deal sur les pièces. Fait que c'est sûr que Samsung peut rouvrir le contrat puis dire « Désolé, mais à partir de maintenant, tes économies d'échelle sont moins importantes. Il y a une augmentation de l'ordre de 20 %. Ils sont peut-être allés fort, tu sais. Mais... puis probablement que ça va être bon pour un 6 mois, un an, tu sais, parce qu'Apple est en train de regarder pour aller ailleurs et vont finir par trouver, je sais pas, une usine au Brésil chez Qualcomm ou chez Foxconn, puis finir par développer leur processeur puis leurs pièces là. C'est normal. Exact. Autre nouvelle, ben on en a parlé un petit peu dans les amateurs de Mac Bonsoir, mais on va en parler pour les gens qui n'ont pas écouté cette émission-là. Il y a iTunes Match qui fête aujourd'hui son premier anniversaire. Mon cher Match, c'est à ton tour de te souhaiter que tu fonctionnes. Nanana. Non, OK, c'est bon. Non, ça fonctionne. Moi, j'avais eu le problème avec iTunes Match. Ça fonctionne, mais en tout cas, je ne recommencerai pas ce que j'ai dit dans les amateurs de Mac. Il faut que je règle mon problème avant. Alors, ça fonctionne quand ça veut, en tout cas. Donc, si on fête notre première... Deux apprentis experts de produits Apple sur trois de Mac Québec recommandent iTunes Match. Le troisième étant tabarnak, va péter une coche, va devenir psychopathe et va aller mettre des patates dans les exhausts de char de toutes les execs de Apple. qui sont encore là. Oui, c'est ça. Mais c'est le fun, ça fonctionne. C'est juste pour exporter des chansons vers le iTunes Match qui fonctionne. Ça roche un peu, en tout cas. Moi, en tout cas, à voir les problèmes qu'il y a, tu peux pas te fier là-dessus. Tu t'organises le truc du jour de l'an, tout le monde va sacrer ses playlists sur iTunes Match, le kit. La journée où est-ce qu'ils vont vouloir parler, partir la playlist dance, un 31 décembre au soir, d'après moi, les serveurs vont rusher puis ils risquent d'avoir de la misère. Je disais par là qu'au moment où tu vas vouloir l'utiliser, peut-être que c'est là que tu risques d'avoir un problème et que ça ne fonctionne pas. Mais moi, je ne suis pas cave. Je vais me créer ma playlist puis je vais me faire downloader toutes mes tunes dans mon ordinateur. Fait que le 31 décembre au soir, ça ne plantera pas. Ça va swinguer chez nous dans la cabane. Let's go. Là, si on fête le premier anniversaire, ça veut dire que notre renouvellement de notre 27 $ est dû pour bientôt? 15 décembre. C'est 15 décembre? Parce que c'est sorti en date d'aujourd'hui aux États-Unis, mais le 14 novembre, sauf que ça a pris quand même quelques mois avant que le système soit stabilisé. Ils voulaient l'essayer aux États-Unis et après ça, ils l'ont ouvert à d'autres pays. Donc, c'était 3 mois plus tard. La date, c'est le 15 décembre. Fait que gardez-vous un 27,99 en quelque part là, pour payer votre abonnement si vous voulez continuer à l'utiliser. Oui, il faut dire aussi que si vous ne l'avez pas fait, il va se renouveler automatiquement. Ah, OK. Faut aller dans son compte, passer par iTunes, aller dans le compte et si vous voulez pas le faire automatiquement, il faut fermer le renouvellement automatiquement. Sinon, il va vous charger automatiquement le 15 décembre 27$ si vous le vouliez pas. Fait que tout ce conseil comme ça. 15 décembre, tu t'as acheté plein de cadeaux de Noël, puis ta carte est loadée, puis renouvellement qui passe. Ouais. Bien, ça fait pas mal le tour des nouvelles, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui. On passe à l'autre segment. On va parler maintenant des applications de la semaine. Voilà, ou du 2 semaines, c'est selon. Et du 2 semaines, oui, c'est vrai. Angry Birds Star Wars. Évidemment, un nouveau jeu Angry Birds avec une licence de Star Wars que je sais pas, tu sais... Comment ils ont réussi à tenir ça là, dans l'espèce de deal de vente de LucasArts à Disney? Là. Je sais pas. Ça fait quand même... Bon, ça date pas d'hier qu'ils sont en train de faire ça. Là, fait que je sais pas si Disney aurait laissé faire ça. Mais bref, Angry Birds Star Wars, j'ai joué. Ils vont rechercher en fait toutes les mécaniques de leur jeu précédent. Donc, le Angry Birds in Space, le bon vieux Angry Birds. Et ils l'adaptent, en fait. Là, il y a un Luke Skywalker, un Han Solo, un Chewbacca. La princesse Leia est cute. Princesse Leia que tu peux utiliser, puis tout ça. Puis ils ont tous des pouvoirs un petit peu différents. Bon, moi, j'ai vraiment accroché comme à peu près tous les jeux de Angry Birds. C'est vraiment intéressant. Ils en ont vendu, évidemment, une flopée en pas grand temps, là. Ils font de l'argent avec ça, c'est assez insane. Mm. Mais c'est un bon petit jeu. C'est 1,99 ou 99 sous? 99 sous sur l'iPhone et 1,99 sur iPad. Ouais. Puis 4,99 sur le Mac App Store. Oh, OK. Ah oui, sur le Mac App Store aussi? Oui, toujours. Mm. Pour les gens qui ont 27 pouces et Mac, ça peut être cool. Ben oui. Avez-vous aimé? 46 le soir, moi. Ah, ben oui, c'est une bonne idée avec le AirPlay. Exactement. Avez-vous aimé l'autre jeu qui ont sorti, qui n'est pas Angry Birds, mais qui est avec les cochons? C'est Bad Piggies, quelque chose genre? Ah, je ne l'ai pas acheté, lui. Faut que tu fabriques des trucs. C'est assez intéressant. J'ai joué un petit peu. Je n'ai pas continué parce que les mécaniques n'étaient pas intuitives. Tu essayais de construire des trucs, puis ça foirait là, un peu. Là. Fallait c'était comme si le jeu était un peu construit pour que tu sois obligé de t'acheter des hints, puis tu sois obligé de cacher dans le in-app purchase. Là. Tu pouvais avoir comme des indices, puis faire fabriquer ta machine par... en utilisant un token d'indice ou je sais pas quoi. Là. Fait que, ça, c'était peut-être moins intéressant. Ça dépend des goûts, je pense. Voilà. Moi, c'est plutôt le fait qu'il faut avoir plusieurs... Moi, j'aime bien faire les 3 étoiles. Même si je réussis, par exemple, un tableau d'Angry Birds, je veux avoir les 3 étoiles, donc je vais le recommencer jusqu'à temps que j'ai les 3 étoiles. Que je fasse mon tableau. C'est longtemps, là? Non, c'est pas si long que ça. Ça dépend des tableaux. Mais moi, j'aime ça avoir un... tableau parfait de 3 étoiles, là, ça te donne des bonus de plus. C'est pour ça que ça te prend 6 heures aussi éditer un podcast, t'es perfectionniste. Exact. bon, autre nouvelle, autre application. Deuxième application de la semaine. Oui. Château et Tree. Château et Tree. Ouais. Si je ne me trompe pas, en fait, je suis tombé là-dessus grâce au blog des Mystérieux Étonnants. Et où je suis tombé là-dessus, puis je l'ai envoyé au Mystérieux. En fait, c'est une application qui te permet de fabriquer des espèces de poèmes, de poèmes, de phrases un peu insensées avec la voix de Shatner ou avec des bouts de phrases qu'il a déjà dit. Là. C'est une application un peu qui sert à rien, mais pour les fans de Star Trek ou l'espèce de diction un petit peu singulière de Shatner, ça peut être drôle. Là. C'est vraiment... ça sert à rien. Là. OK. Si vous avez du temps et de l'argent à perdre... Il y a une application d'autotunes qui est vendue. Là. Je me souviens plus quel rapper a fait ça. T-Pain. Oui, T-Pain. Qui a fait une application d'autotune, ce qui ne sert à rien. OK. Ben. Autre application, en fait, c'est une application qui existe déjà. C'est offert par Apple. C'est le Apple Store, le App Store finalement de Apple, mais qui a une fonctionnalité qui est maintenant disponible au Canada. C'est le fameux système EasyPay. Qu'est-ce que le EasyPay? C'est un système qui vous permet de faire vos achats par vous-même à l'intérieur du magasin Apple. Donc, vous prenez le produit, vous n'avez pas besoin de passer à la caisse, vous le scannez, vous rentrez toutes les informations, ça rentre communication directement avec votre compte Apple ID. C'est facturé directement sur votre carte de crédit qui est inscrite dans votre Apple ID et vous pouvez prendre le produit, vous sortez du magasin, vous n'avez même pas besoin de passer à la caisse, vous faites tout ça vous-même. J'ai vu une petite vidéo des Français qui ont fait exactement la même procédure. Puis ce qu'ils trouvaient bizarre, c'est qu'on sortait du magasin sans rien montrer. On prenait le produit puis on sortait comme ça. Puis sont venus en disant à la fille à la porte, mais vous contrôlez rien, puis tout ça. Non, non, on fait confiance aux gens. Ça, c'était ça la réponse. Je pense qu'on devrait y aller avec... Check-moi bien demain matin. Première génération, puis t'as scanné des écouteurs, mon gars. Oui, je fais. C'est sûr que si tu sors avec une boîte, probablement qu'ils ne checkeront pas. Là. Mais va te faire une pile d'écouteurs là, à 150$, puis faire semblant de les scanner, puis ça crée ton camp. Là, Hey, on va aller chercher des Lightning. Ça existe quand même, les caisses libre-service dans les épiceries, Loblaws, Maxi. Mais attends un peu. Puis il y a aussi Ikea, mais il y a toujours quelqu'un. C'est ça. Il y a toujours quelqu'un qui est là. C'est non, mais la fille t'a dit qu'il n'y a personne qui check, mais c'est pas vrai. Il y a d'abord un garde de sécurité qui est habillé en garde de sécurité, et il y en a un autre qui est en civil dans le magasin et qui check. Fait que si tu es un peu soupçonné, il est très possible qu'un peu plus loin dans le magasin ou sa rue ou dans le centre d'achat, quelqu'un qui t'accote puis qui fasse comme on fait une petite vérification, pouvez-vous nous montrer la facture de vos produits? Puis là, si t'es pas capable de la montrer, ben là, t'es en deux dans le mauvais sens. Mais c'était essayé. Oui. Ouais, faudrait voir. Faudrait... Que j'ai reçu, moi, cette semaine. L'application est sortie il y a une semaine ou deux. Square, c'est un des premiers, un des pionniers aux États-Unis. C'est, je pense que c'est Jack Dorsey ou Biz Stone qui a des parts là-dedans. Kevin Rose aussi est là-dedans. Donc, en fait, c'est un petit dongle très, très petit, carré, que tu branches, et ça, c'est vraiment le meilleur move qu'ils ont fait, que tu branches dans la prise d'écouteur. Ouais. C'est un lecteur de cartes de crédit, la bande magnétique. Et avec l'application, en fait, ça te permet de te faire payer par une carte de crédit. C'est super pratique pour les gens qui font comme des bazars, qui vendent sur la rue ou dans un stand temporaire ou des trucs comme ça. Les gens qui éventuellement, peut-être qu'à Montréal, on va commencer à avoir des camions de bouffe qui vont pouvoir se promener sur la rue, là. Donc, c'est vraiment intéressant pour eux. Fait que tu scannes et puis, il n'y a pas de frais annuels. Le lecteur est gratuit. Tu vas t'abonner sur le site de Square et il t'envoie le lecteur gratuitement. C'est comme ça qu'ils pensent inonder le marché. Et tu payes, je pense que c'est 2% de la transaction. 2,75 quand même. Mais 15% de la transaction. Mais c'est à peu près le même... Un commerçant qui passe des cartes de crédit, c'est entre ça et 5% qu'il doit payer pour une transaction sur une carte de crédit. Mais c'est la bande magnétique, ça, que ça fonctionne? Oui. Pas de puce? Non, pas de puce. Donc, là... c'est sûr qu'il y a un niveau de sécurité qui est peut-être un peu moindre, mais quand même, ça peut rendre de bons services. Bien, c'est parce que la bande magnétique, présentement, elle est toujours là, parce qu'il y a encore une transition à faire. C'est pas encore tout le monde... qui a la puce, mais quand... Puis tous les magasins non plus qui n'ont pas toute la puce. Mm-hmm. Mais quand, d'ici 2-3 ans, quand tout va être rendu sur des puces, la bande magnétique va disparaître. Donc, c'est quoi l'avenir de Square à ce moment-là? Ils vont peut-être sortir un lecteur de deuxième génération, je pourrais pas te dire, mais pour l'instant, en fait, c'est un produit qui peut faire 3 ans, là, ce qui est quand même du moyen terme. Là, surtout que le lecteur t'a rien coûté, là, tu sais. Il est cute, quand même. Le move brillant qu'ils ont fait, c'est de pouvoir le brancher sur l'entrée écouteur, parce que s'ils l'avaient fait pour le 30-pin connector, ben là, il y aurait eu la zouf. Parce... Ouais, c'est sûr. Mais il me semble que j'ai vu des choses que tu pouvais acheter un lecteur de bande magnétique, puis tu pouvais le brancher à un Android, puis faire un peu la même chose. Oui, mais tu l'as dit, il faut que tu achètes le lecteur. Eux autres, ils le donnent. Oui, mais il y a une application qui vient aussi avec, parce que tu as toujours un hardware, mais ça te prend une application pour reconnaître ton hardware. Gratis aussi, l'application. Eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir le plus de monde possible qui leur donne des 2,75% sur chaque transaction. Une espèce de PayPal, mais d'une façon un petit peu différente. Mais PayPal fait un peu la même chose, c'est-à-dire que tu peux envoyer du cash par email, mais tout ça est fait à l'intérieur de ton compte PayPal. Le truc de Square, c'est que c'est relié directement à ton compte de banque, donc ils sont en mesure de faire des dépôts directement dans ton compte. Fait qu'une fois que ton 2,75% est enlevé, le cash est directement disponible dans ton compte. Il y a Patrick Duchamp dans le chat qui dit qu'il y a aussi PayPal qui se sont fait un dongle du même genre aussi. Mais moi, j'aime pas PayPal. Je pense que pour faire la promotion de ce nouveau service-là, ils vont prendre un petit peu moins. mais moi, je trouve que le système de Square me semble plus straightforward parce que justement, c'est pas à travers une carte PayPal, puis t'es pas obligé d'avoir leur carte à eux autres, puis c'est une espèce de carte de crédit, blablabla. C'est un petit peu du zigonnage, mais bon, c'est sûr que tout le monde va se lancer là-dedans, les solutions de paiement. T'sais, on sait que la puce NFC est là pour ça aussi. Moi, je trouve que la puce NFC, c'est moins fiable que la bande magnétique d'une carte de crédit parce que tu es obligé de... Si tu l'as donné à quelqu'un, ta carte, il y a passe, puis tout ça, là, donc... Par contre, une bande magnétique, c'est quelque chose qui se copie assez facilement. Ben, une carte avec du NFC aussi, là, c'est... Puis même que, tu sais, ça se copie facilement, mais quelqu'un est obligé de rentrer en possession de ta carte, la passer dans un lecteur. C'est sûr que tu peux avoir des dépanneurs un peu douteux où est-ce qu'il passe ta carte, le gars, il passe ça en dessous dans un autre lecteur en dessous du comptoir, puis tu viens de te faire cloner ta carte, mais t'étais là, tu sais. Mm. Tandis que du NFC, t'as besoin d'une petite valise, de passer au... tu sais, de frôler quelqu'un, puis c'est fini, là, il vient de scanner le paquet de cartes que t'as dans les poches. Exact. Une autre application, DJ pour iPhone et iPod Touch, qui est gratuit aujourd'hui. Oui, c'est ça. Fait qu'en fait, vous avez encore 27 minutes pour aller la chercher. Ouais. Aujourd'hui c'est... étant mercredi le 14 novembre, parce qu'il y a des gens qui vont écouter ça. Peut-être que ça arrive des fois que les applications sont gratuites une seule journée, mais en fait, ils vont poursuivre la promotion pour quelques autres jours supplémentaires. Donc, peut-être de vérifier quand même si c'est toujours le cas. Sinon, j'imagine que ce n'est pas une application qui est très, très chère. Oh, c'est 99 cents. Bon. Quand même, OK. C'est pas si cher que ça. Non, c'est pas si cher que ça. Ça fonctionne bien. Mais qu'est-ce que ça fait? J'imagine DJ, c'est pour... C'est, tu peux le... Quand tu le mets en... Ça te permet de mixer... De mixer deux chansons, oui. Fait que si tu fais ton propre DJ, tu peux scratcher direct à l'écran aussi. C'est comme si tu aurais une table tournante. Alors, tu peux scratcher, tu peux faire des mix avec. Il peut même te l'auto-mixer. Tu peux lui dire, vers 10 secondes vers la fin de la première tourne, tu mixes la deuxième en entrée. Et tu sais, tu peux te faire ton petit DJ maison. Là. Moi, j'utilise, j'allais celle-là, là, mais j'utilise aussi la version Mac là, mm-hmm. pour, quand j'emmène mes speakers puis mon ordi. Là. Parfait. Donc, c'est à essayer, DJ pour iPhone et iPod Touch. Ouais. C'est pas une application, j'imagine une application associée, mais c'est plutôt un nouveau service photo qui va nous permettre de gagner de l'argent. Pour nos belles photos, ça s'appelle FOAP. Oui, exactement. Donc, FOAP qui te permet d'uploader des photos sur leur service. Et ce qui se passe, c'est que ces photos-là, évidemment, s'ils ne sont pas belles, il n'y a personne qui va les acheter. Mais en les envoyant là-bas, t'octroies les... c'est comme si tu donnais les droits à FOAP de vendre ta photo. Et en fait, eux autres font un partage de gains quand ta photo est vendue. Donc, il y a des compagnies probablement qui vont pouvoir aller s'approvisionner en termes de photos là-dedans. Fait que tu prends des photos de tes enfants, t'es vends allègrement comme des parents sur FOAP. Là, je parle de photos là, pour des pamphlets de camp de vacances ou des affaires, là, des enfants souriant, pas des trucs dans des bains, puis entre deux changements de couches, puis tout ça, là, ça suffit les weirdos. Mais c'est ça, donc quand les photos sont vendues, ben, en fait, FOAP vous donne une cote là-dessus. Donc, je trouvais ça quand même intéressant. Maintenant, on va passer à un autre segment. On va parler bundles. On en parle beaucoup des bundles. Il y en a beaucoup d'ailleurs des bundles. Peut-être commence à en avoir un peu trop. Parce que la qualité, elle, me semble qu'elle descend, la qualité. Hey, ça descend. Quand j'ai vu le bundle de cette semaine qui est sorti, oublie ça, j'achète pas ça. Il n'y a rien là-dedans. Là. C'est comme. Là, on parle du bundle de Mac Update. Ouais, c'est ça. Donc, ça dépend. Pour le prix, en fait, là, y a deux, trois trucs qui peuvent être intéressants. C'est sept applications qui vont coûter $14.99. Ça peut être intéressant. Bernard, tu veux-tu nous en parler un peu? Oui, je peux bien en parler un petit peu. C'est des applications que moi, je trouve qu'elles sont pas très connues. Peut-être une ou deux qui vont peut-être plus nous dire de quoi. Heureusement, c'est pas plus que la moitié qui sont des jeux, parce que là, la tendance des bundles, c'était presque plus que la moitié des jeux. On l'a vu avec Mac Ace, puis on l'a vu avec d'autres. Celui de Mac Update, d'habitude, Mac Update ont des, quand même de sérieux bons bundles, généralement. Celui-là, moi, je le trouve un peu faible. Personnellement, moi, bon, peut-être personnellement, ça m'intéresse moins comme application. Peut-être que pour d'autres, ça va être plus intéressant. Les applications, il y a Air qui sert à contrôler le son de chaque application indépendamment. Bon, il y a quelqu'un qui nous posait justement la question, on peut-tu jouer avec le son de FaceTime? Mais peut-être que ça pourrait bien le faire. Il y a Cinch, qui est un outil de gestion de fenêtres par mouvement de souris. Donc, en fait, ça permet de, par exemple, prendre des fenêtres, aller les coller sur un côté, puis là, ben, ta fenêtre, automatiquement, elle se redimensionne au corps. Si tu la colles sur la paroi en l'air de ta fenêtre, donc tu la déplaces, bien là, tu vas voir que ta fenêtre va se redimensionner à ton écran complet. Moi, j'utilise une application qui fait le même système qui s'appelle HyperDock. Donc, il y a deux fonctionnalités dans HyperDock, là, mais ça, c'en est une. Donc, moi, honnêtement, cette fonctionnalité-là, je la trouve vraiment intéressante. Et je pense même que c'est un truc qui a été comme copié de fonctionnalités Windows sur Windows 7. OK. Ah ouais, quand tu déplaces, que tu mets en haut, puis elle vient full screen. Exactement. Mm-hmm. Mm-hmm. Il y a un jeu d'atmosphère qui s'appelle Osmose. Il y a une autre application qui est des fils de photos style un peu Andy Warhol, pop art, qui s'appelle Pop.comics. Il n'y a pas photo booth qu'on peut faire ça un petit peu avec nos photos, pas le même genre. Et je pense que c'est un petit peu plus tweakable dans Pop.comics. Okay. Ça donne un bel effet, en tout cas. Là. OK. Il y a AppDelete qui va nous permettre de bien désinstaller des programmes de son OS X. Parce qu'on sait que des fois, bon, généralement, on va prendre l'application, on va la mettre à la poubelle, mais il y a certaines applications vont installer plein de petits trucs au niveau des bibliothèques, au niveau, bon, à l'intérieur du système. AppDelete va nous aider à mieux désinstaller ces applications-là, laisser moins de traces, moins de fichiers Ce que ça peut faire aussi, en fait, chercher le plist, donc le fichier de préférence de l'application qui, lui, se situe ailleurs, là, soit dans le fichier librairie de l'utilisateur, dans le dossier préférence, puis va le sacrer au vidange avec. Il y a aussi l'application Sticky Notification, donc un outil de notes qui se synchronise à Growl. Tant qu'à moi, c'est comme une fausse bonne idée là, avec les Evernote de ce monde, la nouvelle application Notes de Apple qui se synchronise avec iCloud. Celle-là est peut-être un petit peu moins intéressante. Là. C'était peut-être la plus poche là, dans ce bundle-là. Puis finalement, il y a Fresh qui est un outil pour régler le problème de où c'est qu'on va sauvegarder le fichier juste là. J'ai déjà sauvegardé. Tu sais, tu fais un fichier texte, là, tu fais « Save as », puis là, tu tapes sur « Enter »,« Enregistrer », puis là, tu fais comme « Attends, où est-ce que je viens de le sauvegarder? » Fait que Fresh te permet d'avoir une espèce d'historique puis de pouvoir retourner à tes dernières sauvegardes, mais dans l'ensemble du système, là, fait que d'une application à l'autre. Fait que c'était le bundle Mac Update. Si vous voulez, vous êtes intéressé à ce bundle-là, bien, Mac Update, le site, bien sûr, cette application pour 14,99 $. Parlant toujours de logiciels, bien, il y a eu des mises à jour cette semaine. Première application mise à jour, il y a Aperture. Donc, ouais. 3.43. Elle corrige un problème au démarrage. À chaque fois, elle me demandait mon numéro de série. Okay. À chaque fois que je fermais l'application, parce que moi, j'utilise Aperture, pas iPhoto, puis à chaque fois que je fermais l'application, je la réouvrais, ça me demandait mon numéro de série. Fait que c'était fatigant, il fallait que je le rentre à chaque fois. Et avec cette mise à jour-là, ça corrige le problème. Mais moi, ce que je comprends pas encore, c'est que à chaque mise à jour d'Aperture, ça télécharge 570 MB. Ça ne va pas juste chercher la version Delta de l'application. Là. Ça doit être juste un fichier qui a fait ce problème-là. C'est pas l'application totale qui plante. Là. Fait que ça, c'est comme iPhoto, c'est la même chose. iPhoto aussi, à chaque fois qu'ils le mettent à jour, c'est la version complète qui te retélécharge. Je trouve ça un peu dommage là, pour... Avec le Store puis avec le 10.8, c'est les applications allaient être mises à jour de façon Delta. Et pour ceux qui ne savent pas de façon Delta, c'est que plutôt justement, comme Jean-François l'a dit, que de télécharger le logiciel au complet, il y a seulement les sources, les ressources qui allaient changer. Donc, ça allait faire des mises à jour qui étaient beaucoup plus petites. Et ça ne fonctionne pas encore. Il y a iBook qui a été mis à jour également, corrigé un problème de démarrage. Oui, quand on utilisait, ben pour ceux qui utilisent iBook pour lire leur livre sur iPad ou sur iPhone, l'application au démarrage elle plantait ou après genre 30 secondes d'utilisation, l'application plantait. Mmh. Se fermait d'elle-même. Alors Apple a corrigé le tir aujourd'hui. Moi, j'ai vu, je sais pas, en fait, je vais voir avec un client, mais j'ai un client qui avait un iPad première génération. Et dès qu'on voulait aller naviguer un peu dans le store, ça plantait immanquablement. On faisait une recherche. Oups, après quelques secondes, l'application quittait, reloadait. Donc, j'espère que ça va le régler. Je vais regarder avec eux. Il y a Microsoft qui a mis aussi à jour sa suite Office. Donc, quelques bugs. Je sais pas, est-ce que c'est un bug critique? Oui, c'est un problème de sécurité dans Outlook. Outlook pour la version 2011 et Entourage dans la version 2008. C'est ça, c'est plus des corrections. C'est pas une solution pour ça. Pas utiliser Outlook. Bon, ouais, c'est sûr. Utiliser Mail, là, c'est, je veux dire, je sais pas si Mail est aussi complet que Outlook, là, par exemple, là, avec tous les systèmes qu'on a maintenant dans 10.8. Mail est quand même assez complet côté courriel. Là. Oui, sauf qu'il y a quand même certaines fonctionnalités que les gens aiment bien dans Outlook, dont, entre autres, la fonctionnalité qui permet d'avoir un avis de réception. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Mais ça, c'est Outlook. Là. Mm-hmm. Il faut que tout le monde aille à Outlook, ça va fonctionner. Là, si vous êtes avec Outlook, juste pour espérer que sur 25% de vos emails, puis de moins en moins. Là, en fait, Outlook pour Mac, bon, moi, je travaille à l'université, puis c'est Microsoft. Okay. C'est sûr que quand on a un serveur Exchange, ça va beaucoup mieux avec un logiciel comme Outlook, peu importe si c'est un PC ou un Mac. Ouais, mais encore là, il faut que le serveur Exchange soit mis à jour, que ce soit vraiment la dernière version pour que la version Mac de Outlook puisse avoir telle et telle et telle fonctionnalité. Donc, c'est pas encore gagné, là. Mais c'est sûr que gestion des calendriers, au niveau des courriels, les différentes fonctionnalités d'avertissement, de confirmation de lecture, bon, tous ces trucs-là, c'est sûr que ça va mieux quand tu as le logiciel que tout le monde utilise là, dans ta boîte. Là. Uh-huh. Donc, c'est sûr que pour des grandes institutions comme ça, bien, c'est pratique. Autre mise à jour, je ne sais pas si c'était cette semaine ou... En tout cas, c'est assez récent. Une nouvelle version de ScreenFlow, l'excellent logiciel pour faire des screencasting, donc pour faire des petits tutoriels vidéo, dont Jean-François se sert, entre autres. Donc, une version 4 qui a été proposée à 30 $ pour ceux qui possèdent déjà le logiciel. Pour ceux qui n'ont pas encore une licence, bien, c'est une centaine de dollars. 100 $. Et ScreenFlow est tellement poussé qu'on peut même faire du montage vidéo avec Basic, là, mais ouais. Ben, quand même, pas trop Basic, mais il y a bien des choses qu'on pourrait faire avec ScreenFlow qu'on n'a même pas besoin de faire dans iMovie ou dans un autre logiciel. Tu n'es pas maquis dans ScreenFlow, là. Tu peux jouer avec... maintenant du green screen puis des trucs comme ça. Là. Exactement. Ils ont rajouté le chroma key, ils ont rajouté d'autres fonctionnalités. Et ce qui est bien, c'est qu'eux, ils ont une communauté, ils ont un blog, mais ils ont une communauté de gens, des utilisateurs de ScreenFlow, et ils ont créé un sujet pour dire donnez-nous des idées. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui vous manquent à l'intérieur du logiciel? Faites-nous en part, puis si on trouve que c'est une bonne idée, on va le rajouter dans l'autre version. Et effectivement, il y a beaucoup des idées que les gens ont apportées qui ont été ajoutées à la version 4. Oui, mais moi, je trouve qu'il y a une fonctionnalité que j'aimerais beaucoup qu'ils rajoutent, c'est d'exporter de ScreenFlow à iMovie. Tu ne peux pas exporter ton vidéo dans iMovie. Parce que moi, il faut dire que j'ai... Surtout, tu sais, Alexis, mon écran est pas standard. C'est 1200 par 800. OK. Alors, je dois diminuer mon écran pour faire du 720. Sinon, on voit pas ma bordure d'en haut et mon dock en bas. Ah, OK. Fait que ça passe pas dans iMovie. Alors, j'aimerais ça, tu sais, qu'on puisse l'exporter de ScreenFlow à iMovie. Je suis sûr que c'est possible. Que Mais je pense que tu devrais... C'est pas, non, j'ai checké. C'est à cause d'Apple qui ont changé des formats dans iMovie. OK. Qui ne fonctionnent plus avec le ScreenFlow. Alors, ils ont changé les codecs ou je sais plus trop quoi. Là, ça fait un petit bout, j'avais checké au début quand j'avais commencé mes chroniques. On aime quand même beaucoup, beaucoup cette compagnie-là, Telestream. Oui. Et s'ils veulent nous envoyer une version pro de Wirecast, on est preneurs tous les jours. Oui. Oui. Mais c'est vrai que c'est une bonne compagnie. Là. Je veux dire, ils font des très bons produits. Là. Même Wirecast, même ScreenFlow, là, c'est fou. Là. Comme Bernard disait, la communauté qu'ils ont en arrière de ça, tu regardes dans les forums, c'est aïe, il y a beaucoup de monde qui s'en sert. Là. Je veux dire... C'est très simple d'utilisation. Oh, ouais. C'est rapide d'apprendre ce logiciel-là. Il y a beaucoup de fonctionnalités, mais c'est quand même... assez intuitif comme produit. Donc, pour justement créer des tutoriels, ça prend un logiciel qui est intuitif. Sinon, ben il y a un problème. Mais oui, c'est très, très, très utilisé dans le monde de l'éducation. Mais aussi sur le web, il y a beaucoup de gens... On regarde sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, montrer à d'autres personnes comment qu'on fait tel truc ou comment résoudre un tableau d'Angry Bird ou comment faire une recette XYZ. Donc, ça devient de plus en plus populaire que les gens partagent leurs idées, leurs recettes, leurs bonnes idées. Et bien souvent, c'est avec des petits tutoriels comme ça. Et ces logiciels-là, ben, ils me permettent de le faire assez facilement. Oui. Messieurs, on va entendre un petit peu nos adresses, nos coordonnées pour nous rejoindre, puis on va revenir avec la conclusion de ce podcast. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuebec ou en laissant vos commentaires dans la section podcast du site macquebec.com. Puis, on peut aussi nous rejoindre sur Twitter. Oui, tu vas nous faire ça prochainement, Bernard. Ça serait bon, une petite pub avec nos noms, avec ta voix. C'est toi qui aurais dû faire l'émission The Voice. Là. C'est comme, c'est malade, là, la voix que tu as en radiophonique, là, la voix du Québec. Merci. Non, mais quoi? Merci. Écoute, t'es dans tous les podcasts. Là, tu fais l'épée légendaire... t'es fait toute l'analyse des geeks, t'es là. Le stream, voilà. Il y en a plusieurs autres. Donc, pour nous rejoindre sur Twitter, Alexis, on te rejoint comment? Vous me rejoignez au Alex Cornelier, ça c'est sur Twitter. Et je vous rappelle, comme à chaque fois, que si vous avez aimé les explications qu'on a données, ben vous pouvez faire appel au service de Mac Québec sur le site de macquebec.com. Jean-François. Moi, on peut me rejoindre sur Twitter aussi à @jfroy1979. Je réponds très souvent aux questions qui sont posées sur le compte Twitter de Mac Québec. Alors, gênez-vous pas. Et moi, bien, vous pouvez me rejoindre sur Twitter avec le nom @cybernard. Donc, vous pouvez me rejoindre également. Ça va me faire un grand plaisir de discuter avec vous. Bien, messieurs, c'est ce qui complète cette autre édition du podcast Mac Québec. Un petit deux heures. Ça va. Un peu moins que deux heures. 1h25. OK. Donc, 1h25, c'est quand même... Il y avait pas mal de sujets, beaucoup de discussions également. Exactement. Ça a été fort agréable. On remercie beaucoup les gens qui ont été de l'enregistrement parce qu'on le fait sur la plateforme Spreecast. Les gens peuvent nous voir la binette et entendre vraiment l'entièreté du podcast parce que c'est possible que je vais faire un petit montage là, à l'intérieur de l'enregistrement pour qu'on puisse avoir un beau petit podcast là, qui va être envoyé sur iTunes. Ça me rappelle cette bonne vieille blague de Rocky Belles Oreilles dans Snap qui bourdonne. Papa, papa, j'ai pris toutes tes répliques et je les ai mises sur mon ordinateur, puis j'ai enlevé toutes celles où tu parlais. En fait, c'était maman, là, c'était pour la russe, je sais pas quoi. Ah oui, pourquoi mon fils? Parce que tu es poche. Ouais, messieurs, merci beaucoup. Puis on se dit à bientôt, à la prochaine, dans deux semaines. Avec Denis Talbot qui va être là cette fois-là. Denis Talbot sera notre invité du prochain podcast. Soyez là. Il va venir nous parler des aventures du grand Talbot. Excellent. C'est bye bye. Salut. Bye bye, à la prochaine.